Nous sommes rendus à l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien, et on débute ça avec la charmante Rihanna, artiste que j'adore énormément, de Winnipeg, Saint-Boniface, au Manitoba. Et ces temps-ci, elle n'est pas au Manitoba, non, au mois de septembre, elle se promène pas mal en Europe, en Allemagne, je ne me trompe pas, et aussi en France, elle sera à Paris le 12 octobre prochain. Par la suite, elle sera à Halifax le 18 et Toronto le 23 octobre. Donc, pour plus d'informations sur sa carrière, découvrez cet artiste-là qui est vraiment exceptionnel. Rihanna.ca, Rihanna.ca. Et c'est vraiment intéressant ce qu'elle fait. Elle travaille avec des loops, mais pas trop, juste assez pour que ça soit intéressant. Donc, parce que des fois, avec les loops, on peut se perdre, mais pas avec Rihanna, c'est vraiment très, très bien fait. Donc, on va entendre une nouvelle chanson, une nouvelle chanson que j'ai reçue au printemps. C'est tout simplement « En attendant demain ». Et vous allez voir, c'est un univers quand même un peu planant, mais très intéressant. Donc, Rihanna, ça s'en vient dans quelques instants. Par la suite, on va entendre Ariane Marie Clomire. Ça fait une petite secousse. Ça fait presque 2 ans que je n'ai pas eu de ces nouvelles. Je sais que, je l'avais croisé au gala des prix Trior en 2017. Et on avait eu une belle jasette. Vraiment une femme intéressante qui fait de l'excellente musique. Et son dernier album, Je deviens le loup, est vraiment bien fait. On va entendre la pièce Toujours l'eau qui est tirée de cet album-là. Elle est plus du côté de Edmonton, malgré que je crois que c'est ainsi, elle demeure à Montréal. Mais on y va avec Rihanna, voici « En attendant demain ». Le bruit des enfants, des voisins qui crient leur impunité, qui crient le fabuleux destin d'une vie à peine commencée. Les murs pleins de l'appartement temporairement décorés se passer. T'es parti quelques heures avant, on s'est même pas regardé. Pourquoi pas tout faire tomber? C'est pas en brandissant la main qu'on va se réinventer. C'est pas en attendant demain qu'on peut espérer changer. Je peux apprendre à s'aimer. C'est pas en vivant notre carême qu'on sera sûrement sauvé. Pardonne-moi, je peux pas rester. C'est pas en prenant ça la main qu'on va se réinventer. C'est pas en attendant demain. C'est pas en attendant demain. C'est pas en attendant demain qu'on risque de se retrouver. Si j'avais su jouer la comédie, non, si j'avais su me plaire, je me suis battue contre les courbes, contre toutes les douceurs. Mais l'eau toujours lourde, je te sens à nouveau. Tu travaillais au resto pendant que moi j'écrivais. Je regardais de mauvaises comédies, téléromans en t'attendant. Je t'attendais dans notre deux et demi avec les carottes et le rôti, les pommes de terre dînées sur cuit. Je réchauffais le lit. Toujours long, et on recommence à nouveau. Le soir, on jouait à la famille dans notre deux et demi. Si je t'avais laissé faire de moi une femme, années 50. Si je m'étais laissé t'aimer à fond, nous aurions eu un garçon. Mais l'eau toujours l'eau, et ça recommence à zéro. Si je n'avais pas été distrait, à me reconstruire, si je m'étais laissé devenir, longeant le lac, le dos, montagne, avec toi, je serais monté plus haut. Toujours l'eau, Ariane Marie Clamire, guitariste, vraiment exceptionnel. J'adore son jeu de guitare, toujours intéressant. Une femme, auteure, compositrice, interprète d'Edmonton, mais comme je vous dis, qui demeure peut-être à Montréal. La dernière fois que je l'ai rencontrée, c'est au gala des Prix Triard en 2017. On avait une belle jasette, vraiment une femme très sympathique, vraiment là, très, très, très sympathique. Donc, Ariane Marie Clamire, toujours l'eau. Là, on y va avec une bonne nouvelle, oui, Jérémy Brémaud, Jérémy and the Delicious Hound, se retrouve finaliste au prochain Champ d'Ouest qui aura lieu du 20 au 23 septembre prochain du côté de Vancouver. Et de cette compétition-là, il y a deux participants qui vont se retrouver en demi-finale du Festival international de la chanson de Grammy 2019, donc l'année prochaine. Donc, assez intéressant, très beau concours. Et Jeremy and the Delicious Sound va être concurrent. On va l'écouter avec Allez-y. Par la suite, parlant de Grammy, on va entendre une chanson de Alpha Toshinesa qui s'est pas rendue en finale de Grammy cette année. Mais j'ai pu lire sur les médias sociaux, ici et là, que le public de Grammy avait fort apprécié sa prestation. On va l'entendre avec une pièce qui s'appelle « Sans regret, sans remords ». On va entendre le gagnant de Grammy aussi, Lord Biden, avec « La merde ». Chaque jour c'est un autre voyage. Pas trop sûr où je m'en vais. Ça me dérange pas, je suis pas inquiet. Un nouveau jour et c'est parti. J'avance, j'apprends, fait accompli. J'ai mis côté tous mes soucis. Maintenant c'est que la belle vie. Allez, allez, allez-y. Sans y penser. Faut pas trop prendre au sérieux. Moi je fais canard chaque fois qu'il pleut. Mes problèmes, mes ennuis me glisse sur le dos et puis s'enfuit. Allez, allez, allez-y. Faut partir pour y arriver. Allez, allez, allez-y. Sans arrière-pensée. N'aie pas peur, vas-y, plante. T'es la première pour tes réponses. N'aie pas peur, vas-y, plante. T'es la première. Allez, fonce, n'aie pas peur, vas-y, planche. T'es la première pour tes réponses. N'aie pas peur, vas-y, planche. T'es la première pour tes réponses. Rien ne me sert de pleurer sur mon sort. Ainsi va la vida, ainsi va la life. Moi c'est la musica depuis les Jackson 5. J'ai appris A, B, C et Do, Ré, Mi. L'alphabet je l'ai maîtrisé mais j'ai perdu le Do de ma clarinette. J'ai arrêté net le conservatoire. Non ce n'était pas pour moi, trop conservateur. Pour moi petit rêveur de venir courir des bois au Manitoba. Mais je ne le savais pas encore. Je rêvais déjà du Nord en lisant les récits de Jack London au lieu de Senghor. Bizarre pour un garçon à la peau chocolat. J'ai jamais été fan du petit Nicolas. Appelle-moi nègre, fier de sa couleur ébène. Je choque avec les mots et ben ça, quelle aubaine. J'ai la quatorzaine lorsque le rap rentre dans mes veines. Je rêve de brûler ta sono au kérosène. Je rêve de révolutionner le monde. Je rêve de décapiter ce monstre. Shooter Babylone avec des paroles assassines. Et crier ma rébellion dans un style de ragamuffin. Trop de jeunes n'ont fumé leur vie à la nicotine. Endormi à la mort fine. Mais je n'ai pas de regrets, je n'ai pas de remords. J'ai décidé de ne pas subir mon sort. Car j'ai la niaque, j'ai la pêche. Je m'en fais pas même quand c'est la dèche. Dans les temps de crise, je me fiche de ce que me disent les politiques. Trop de tricards, trop de menteurs. Trahis par les égarements de mes mentors. Mais sans regret et sans remords, rien ne me sert de pleurer sur mon sort. Non, non, non, non, non. J'ai prié à Yahweh, je prie à Yeshua. J'ai rencontré Jésus et me voici délivré de mes péchés passés. Ma peine est effacée et je me suis cassé. J'arrive à Kinshasa afin de retracer le lien entre le présent, le futur et le passé. Le passé au présent, voilà ce qu'on ressent lorsqu'on se retrouve au milieu de ses frères de sang. J'ai retrouvé le paradis sur terre au milieu de mes frères et de mes sœurs de la terre. Mère, Père Céleste, prête-moi longue vie pour que je dise au monde que la vie est belle comme le jour. J'ai marié cette femme, on a fait la fête. Fini la lune de miel, on s'est pris la tête. Je voulais des gosses, elle voulait une case. On voulait une base, mais retour à la parole. La maîtrise de soi qui a fait de moi un homme. Retour à cette foi qui a fait de moi un visionnaire. Sans regret, sans remords. Rien ne me sert de pleurer sur mon sort. Car j'ai la niaque, j'ai la pêche. Je m'en fais pas même quand c'est la dèche. Dans les temps de crise, je me fiche de ce que disent les politiques. Trop de tricards, trop de menteurs. Trahis par les égarements de mes mentors. Mais sans regret et sans remords, rien ne me sert de pleurer sur mon sort. Car j'ai la niaque, j'ai la pêche. Je m'en fais pas même quand c'est la dèche. Dans les temps de crise, je me fiche de ce que disent les politiques. Trop de tricards, trop de menteurs. Trahis par les égarements de mes mentors. Mais sans regret et sans remords, rien ne me sert de pleurer sur mon sort. Non, non, non, non, non. Comme le sang, je prenne nos bras pour le même concept. Je sors dehors, je fais des bricolages jusqu'à temps le ciel est noir. Pas temps à gaspiller et je sais travailler. Rêver son petit rêve et boire son petit café. Mais je suis dans la merde, toujours dans la merde. Pas d'argent pour manger, rien à faire que boire. Je suis dans la merde, toujours dans la merde. J'ai perdu mon tabac, qu'est-ce qu'on fait à soir? C'est à la vie, on fait une seule maison pour avoir une seule famille. Pas de temps pour mes amis, j'oublie tous mes amis. Y'a un tiroir dans ma mémoire où je garde leurs esprits. Je fais du jardinage, je me rentre ça. Travailler, ça me fait sans doute bien. Quand on rentre à la Je parle un dialecte qui n'est pas de la poésie, mais y'a de la poésie quand je rentre dans mon cœur. Je crois au Saint-Esprit et j'oublie tous mes douleurs. J'oublie tous mes douleurs. Et toujours dans la merde, ça c'est juste la vie. Et toujours dans la merde, ça c'est juste la vie. Et toujours dans la merde, ça c'est juste la vie. Toujours dans la merde, ça c'est juste la vie. Y'a rien à faire que il est temps de partir, il est temps de partir. Attelle les chiens, on part, même si ça nous tente pas. Il est temps de partir, il est temps de partir. Attelle les chiens, on part, même si ça nous tente pas. Notre traîneau, il est gros, il est lourd dans les côtes. Il faut mettre le pied sur le frein au bon moment. Des fois je le perds, puis je cours après. Des fois je le reprends, des fois tu me sauves. Mais toujours on en rit ben sur le bord du poêle le soir. Je sais, ça va nous manquer, la simplicité. Notre hibou qui chante sous le ciel étoilé. Faire notre pain dans le four à bois, jouer au crib à lampe frontale. Puis pas savoir les nouvelles plates qui passent dans le journal. Il est temps de partir, attelle les chiens en port, même si ça nous tente pas. Il est temps de partir, il est temps de partir, attelle les chiens en port, même si ça nous tente pas. Il est temps de partir, attelle les chiens au port, même si ça nous tente pas. Il est temps de partir, il est temps de partir, attelle les chiens au port, même si ça nous tente pas. Et voilà, ça se termine en beauté avec la charmante Sophie Villeneuve et il est temps de partir. Et oui, l'émission se termine ainsi. J'espère que le choix musical vous a plu. Vous avez peut-être fait des découvertes. Allez visiter les sites des artistes qu'on joue ici à Canrock régulièrement. Allez faire un tour sur ma page Facebook de Canrock pour beaucoup d'informations, de clips, d'extraits, etc., etc. Donc, CAN, trait d'union, ROCK sur... Facebook pour voir ma page Facebook avec beaucoup d'informations. Je tiens à remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs, directrices de programmation des stations suivantes. CKJM Chéticamp, oui, FM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Il y a aussi Miramichi, Nouveau-Brunswick, CKMA. Il y a CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe, de la région de Barrie, en Ontario. Envol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG, Gravelbourg, Saskatchewan, CILS, Victoria, Colombie-Britannique, CIVR, Yonlève, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, un contact d'artiste, vous m'envoyez ça à Canrock. cdn@commercial.gmail.com. Il me reste à peine 15 secondes pour vous dire une seule chose. Allez encourager vos artistes locaux, c'est important. Ils ont besoin de votre support et vous risquez d'être séduits, ça c'est garanti. Sur ça, bonne semaine musicale, à la semaine prochaine pour une autre édition de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne.